Quatrième partie, chapitre 2, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Sonia. Introduction à la vie dévote, par saint François de Sales. Quatrième partie, chapitre 2. Qu'il faut s'armer de courage. Quelque belle et douce que soit la lumière, elle nous éblouit quand nous avons été longtemps dans l'obscurité, et quelque doux et honnête que soient les habitants d'un pays où l'on est étranger, on ne laisse pas d'en être d'abord embarrassé. Il se pourra donc faire, filoter, que ce grand divorce de folle vanité du monde et ce changement de vie donneront quelque atteinte à votre cœur, et qu'il se trouvera frappé d'un triste abattement. Mais ayez un peu de patience, je vous prie. Tout cela ne sera rien avant le temps, et n'est d'abord qu'un peu d'étonnement que cause la nouveauté. Attendez, les consolations viendront bientôt. Vous regretterez peut-être la gloire de toute l'approbation que les fous et les moqueurs donnaient à vos vanités. Mais, ô Dieu, voudriez-vous perdre la gloire dont le Dieu de vérité vous couronnera éternellement? Les vrais plaisirs des années passées viendront encore flatter votre cœur, pour le engager dans leur commerce. Mais voudriez-vous renoncer aux délices de l'éternité pour des légèretés si trompeuses? Croyez-moi, si vous persévérez, vous verrez bientôt votre persévérance récompensée de consolations si délicieuses que vous avouerez que le monde n'a que du fiel en comparaison de ce miel céleste, et qu'un seul jour de dévotion vaut mieux que 1000 années de la vie mondaine. Mais vous considérez la hauteur de la montagne où se trouve la perfection chrétienne. Et comment, dites-vous, y pourrais-je monter? Courage, Philoté, les nymphes des abeilles, c'est ainsi qu'on appelle leurs petits moucherons, qui ne commencent qu'à prendre leur forme, n'ont pas encore d'ailes pour s'en aller cueillir le miel sur les fleurs des montagnes et des collines, mais se nourrissant peu à peu du miel que leur mère leur a préparé, les ailes leur viennent, et elles se fortifient si bien qu'enfin elles prennent l'effort et volent jusqu'aux lieux les plus élevés. Il est vrai, nous devons nous considérer comme de petits moucherons dans les voies de la dévotion, dont nous ne pouvons pas, comme nous voudrions, avoir tout d'un coup la perfection. Mais commençons toujours à nous y former par nos désirs et par nos bonnes résolutions. Espérons qu'un jour nous aurons assez de force pour y parvenir, vivant en attendant de l'esprit si doux de tant d'instructions que les saints et les saintes nous ont laissées, et priant Dieu, comme le prophète royal, qu'il nous donne des ailes de colombe, afin que nous puissions non seulement nous élever à la perfection de la vie présente, mais encore jusqu'au repos de la bienheureuse éternité. Fin du chapitre 2, quatrième partie.